impossible de faire de l'ego trip dans l'autodépréciation. Difficile de faire de la musique quand on n'a plus la passion. Dans la perte d'appétit, d'envie, le sommeil en perturbation. Ne plus avoir le goût de la vie dans ses loisirs, dans ses actions. Les idées noires qui t'errent chaque journée qui se font. La routine qui ne remplace, chaque jour se confond. L'inactivité amicale, émotionnelle des relations. Beaucoup moins d'hygiène de vie corporelle, d'alimentation. Dormir trop, pas assez, des cauchemars mais plus aucun rêve. Culpabilité, échec, les pleurs sont longs, les rires sont brefs. Le désespoir, la perte d'intérêt, sa vie dans le malaise. Déconcentration, prendre des décisions, une profonde détresse. Les risques de suicide quand on touche le fond du fond. Problème financier, comportemental, problème de fond. Il suffit d'une seconde pour passer des primes à dépression. Une seconde, une décision, une seconde pour sauter du pont. Des illusions qui s'emparent de mes rêves. Je ne crois plus en moi. Je ne crois plus en quoi. Je ne ferai rien de mes rêves. Si je ne m'impose des lois, si je ne paye mon toit, si je ne me reconnais pas.